Chapitre 53. Rencontre inespérée. Quand je quittais le pied de la montagne, le pic blanc se montrait devant moi à la distance de 30 000. Jusque-là, on ne voyait pas une colline, pas un buisson, sauf quelques arbres essonins, l'artémisia. Il n'était pas encore midi. Pourrais-je atteindre la montagne neigeuse avant le coucher du soleil? Dans ce cas, je me proposais de prendre une autre ancienne route vers la mine. De là, je gagnerais le Del Norte en suivant une branche du Paloma ou quelque autre cours d'eau latéral. Tel était à peu près mon plan. Je devais m'attendre à être poursuivi jusqu'aux portes d'El Paso. Quand j'eus fait 1 000 environ, un coup d'œil en arrière me fit voir les Indiens débouchant dans la plaine et galopant après moi. Ce n'était plus une question de vitesse. Pas un de leurs chevaux ne pouvait lutter avec le mien. Mais Moro aurait-il le même fond que leur Mustang? Je connaissais la nature nerveuse, infatigable de cette race espagnole. Je le savais capable de galoper sans interruption pendant une journée entière, et je n'étais pas sans inquiétude sur le résultat d'une lutte prolongée. Pour l'instant, il m'était facile de garder mon avance sans presser mon cheval, dont je tenais à ménager les forces. Tant qu'il ne serait pas rendu, je ne risquais pas d'être atteint. Je galopais donc posément, observant les mouvements des Indiens et me bornant à conserver ma distance. De temps en temps, je sautais à terre pour soulager Moreau, et je courais côte à côte avec lui. Mon chien suivait, jetant parfois un regard intelligent sur moi et semblant avoir conscience du motif qui me faisait voyager avec une telle hâte. Pendant tout le jour, je restais en vue des Indiens. Je pouvais distinguer leurs armes et les compter. Ils étaient environ une vingtaine en tout. Les traînards avaient tourné bride et les hommes bien montés continuaient seuls la poursuite. En approchant du pied de la montagne neigeuse, je me rappelais qu'il y avait de l'eau à notre ancien campement dans le défilé. Je pressais mon cheval pour gagner le temps de nous rafraîchir tous les deux. J'avais l'intention de faire une courte halte, de laisser le noble animal reprendre haleine et se refaire un peu aux dépens de l'herbe grasse qui entourait le ruisseau. Mon salut dépendait de la conservation de ses forces, et c'était le moyen de les lui conserver. Le soleil était près de se coucher quand j'atteignais le défilé. Avant de m'engager au milieu des rochers, je jetai un coup d'œil en arrière. J'avais gagné du terrain pendant la dernière heure. Ils étaient au moins à 3 000 derrière, et leurs chevaux paraissaient fatigués. Tout en continuant ma course, je me mis à réfléchir. J'étais maintenant sur une route connue. Mon courage se ranimait. Mes espérances si longtemps obscurcies renaissaient brillantes et vivaces. Toute mon énergie, toute ma fortune, toute ma vie allaient être consacrées à un seul but. Je lèverais une troupe plus nombreuse que toutes celles qu'avait commandées Séguin. Je trouverais des hommes parmi les employés de la caravane à son retour. J'irai fouiller tous les postes de trappeurs et de chasseurs dans la montagne. J'invoquerai l'appui du gouvernement mexicain. Je lui demanderai des subsides, des troupes. J'en appellerai aux citoyens d'El Paso, de Chihuahua, de Durango, de... Par Josaphat. Voilà un camarade qui galope sans selle et sans bride. 5 ou 6 hommes armés de rifles sortirent des rochers et m'entourèrent. Que je sois mangé par un Indien, si ce n'est pas le jeune homme qui m'a pris pour un ours gris. Billy, regarde donc, le voilà, c'est lui-même. Hi hi hi, ho ho. Rubé, Garret. Et quoi, par Jupiter, c'est mon ami Allaire. Hurrah! Mon vieux camarade, est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Saint-Vrain. Lui-même, parbleu, est-ce que je suis changé? Quant à vous, il m'eût été difficile de vous reconnaître si le vieux trappeur ne nous avait pas instruit de tout ce qui vous est arrivé. Mais dites-moi donc, comment avez-vous pu vous tirer des mains des Philistins? D'abord, dites-moi ce que vous êtes ici et pourquoi vous y êtes. Oh, nous sommes un poste d'avant-garde. L'armée est là-bas. L'armée? Oui, nous l'appelons ainsi. Il y a là 600 hommes, et c'est une véritable armée pour ce pays-ci. Mais qui... quels sont ces hommes? Il y en a de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Il y a des habitants de Chihuahua et d'El Paso, des nègres, des chasseurs, des trappeurs, des voituriers. Votre humble serviteur commande la troupe de ces derniers. Et puis il y a la bande de notre ami Séguin. Séguin est-il... Quoi? C'est notre général en chef. Mais venez, le camp est établi près de la fontaine. Allons-y. Vous paraissez affamé, et j'ai dans mes bagages une provision de pas aux premières qualités. Venez. Attendez un instant, je suis poursuivi. Poursuivi, s'écrièrent les chasseurs, levant tous en même temps leurs rifles et regardant vers l'entrée de la ravine. Combien? Une vingtaine environ. Sont-ils sur vos talons? Non. Dans combien de temps pourront-ils arriver? Ils sont à 3 000 avec des chevaux fatigués, comme vous pouvez l'imaginer. 3 quarts d'heure, 1 demi-heure, tout au moins. Venez, nous avons le temps d'aller là-bas et de tout préparer pour les bien recevoir. Rubé, restez là avec les autres. Nous serons revenus avant qu'ils arrivent. Venez à l'air, venez. Je suivis mon excellent ami, qui me conduisit à la source. Là, je trouvai l'armée. Elle en avait bien la physionomie, car 200 ou 300 hommes étaient en uniforme. C'était les volontaires de Chihuahua et d'El Paso. La dernière incursion des Indiens avait porté au comble l'exaspération des habitants, et cet armement inaccoutumé en était la conséquence. Séguin, avec le reste de sa bande, avait rencontré les volontaires à El Paso, et les avait conduits en toute hâte sur les traces des Navarros. C'est par lui que Saint-Vrain avait su que j'étais prisonnier, et celui-ci, dans l'espoir de me délivrer, s'était joint à l'expédition avec environ 40 ou 50 des employés de la caravane. La plupart des hommes de la bande de Séguin avaient échappé au combat de la Barranca. J'appris avec plaisir qu'El Sol et la Luna étaient du nombre. Ils accompagnaient Séguin, et je les trouvai dans sa tente. Séguin m'accueillit comme on accueille le porteur d'heureuses nouvelles. Elles étaient sauves encore. Ce fut tout ce que je pus lui dire, et tout ce qu'il voulait savoir. Nous n'avions pas de temps à perdre en vaines paroles. 100 hommes montèrent immédiatement à cheval et se dirigèrent vers la ravine. En arrivant à l'avant-poste, ils conduisirent leurs chevaux derrière les rochers et se mirent en embuscade. L'ordre était de prendre tous les Indiens morts ou vifs. On avait pour instruction de laisser l'ennemi s'engager dans la ravine jusqu'au-delà de l'embuscade, de le suivre jusqu'en vue du corps d'armée et de le prendre ainsi entre deux feux. Au-dessus du cours d'eau, la ravine était rocheuse et les chevaux n'y laissaient pas de traces. De plus, les Indiens, acharnés à ma poursuite, ne s'inquiéteraient pas de chercher des traces jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés près de l'eau. Du moment qu'ils auraient eu dépassé l'embuscade, pas un ne pourrait s'échapper, car le défilé était bordé de chaque côté par des rochers à pic. Quand les 100 hommes furent partis, 100 autres montèrent à cheval et se placèrent en observation devant le passage. L'attente ne fut pas longue. Nos arrangements étaient à peine terminés qu'un Indien se montra à l'angle du rocher, à peu près à 200 yards de la source. C'était le premier de la bande des Indiens. Ceux-ci avaient déjà dépassé l'embuscade, immobile et silencieuse. Le sauvage, voyant des hommes armés, s'arrêta brusquement, puis il poussa un cri et courut en arrière vers ses camarades. Ceux-ci suivirent son exemple, firent volte-face, mais avant qu'ils eussent regagné la ravine, les cavaliers cachés, sortant du milieu des rochers, arrivaient sur eux au galop. Les Indiens, se voyant pris et reconnaissant la supériorité du nombre, jetèrent leurs lances et demandèrent merci. Un instant après, ils étaient tous prisonniers. Tout cela n'avait pas pris une demi-heure, et nous retournâmes vers la source avec nos captifs solidement garrottés. Les chefs se réunirent autour de Séguin pour délibérer sur un plan d'attaque contre la ville. Devions-nous partir cette nuit même? On me demanda mon avis. Je répondis naturellement que le plus tôt serait le mieux pour le salut des captifs. Mes sentiments, partagés par Séguin, étaient opposés à tout délai. Nos camarades prisonniers devaient mourir le lendemain. Nous pouvions encore arriver à temps pour les sauver. Comment nous y prendrions-nous pour aborder la vallée? C'était là la première question à discuter. Incontestablement, l'ennemi avait placé des postes aux deux extrémités. Un corps aussi important que le nôtre ne pouvait s'approcher par la plaine sans être immédiatement signalé. C'était une grave difficulté. « Divisons-nous, » dit un des hommes de la vieille bande de Séguin. « Attaquons par les deux bouts, nous les prendrons dans la trappe. »« Rouac !» répondit un autre. « Ça ne se peut pas. Il y a 10 000 de forts là-dedans. Si nous nous montrons ainsi à ces moricots, ils gagneront les bois avec les femmes et tout le reste, et nous aurons toutes les peines du monde à les retrouver. » Celui-ci avait évidemment raison. Nous ne devions pas attaquer ouvertement. Il fallait user de stratagèmes. On appela au conseil un homme qui devait bientôt lever la difficulté. C'était le vieux trappeur, sans oreilles et sans chevelure, Rubé. « Capitaine, dit-il après un moment de réflexion, nous n'avons pas besoin de nous montrer avant de nous être rendus maîtres du canyon. »« Comment nous en rendrons-nous maîtres ? » demanda Séguin. « Déshabiller ces 20 moricots, » répondit Rubé, montrant les prisonniers. « Que 20 de nous mettent leurs habits. Nous conduirons avec nous le jeune camarade, celui qui m'a pris pour un ours gris. Hi, hi, hi. » Le vieux Rubé pris pour un ours gris. « Nous le conduirons comme prisonnier. Maintenant, capitaine, vous comprenez ?» Ces 20 hommes iront en avant, prendront le poste et attendront le corps d'armée. Voilà la chose, c'est justement mon idée. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est la seule chose à faire. Nous agirons ainsi. Séguin donna immédiatement l'ordre de dépouiller les Indiens de leurs vêtements. La plupart étaient revêtus d'habits pillés sur les Mexicains. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. « Je vous engage, capitaine, dit Rubé, voyant Séguin se préparer à choisir les hommes de cette avant-garde. Je vous engage à prendre principalement des Delaware. Ces Navarques sont très rusés, et on ne les attrape pas facilement. Ils pourraient reconnaître une peau blanche au clair de la lune. Ceux de nous qui iront avec eux devront se peindre en indien. Autrement, nous serons éventés. Nous le serons sûrement. » Séguin, suivant cet avis, choisit le plus de Delaware et de Shawnee qu'il put, et leur fit revêtir les costumes des Navarros. Lui-même, Rubé, Garay et quelques autres complétèrent le nombre. Quant à moi, je devais naturellement jouer le rôle de prisonnier. Les blancs changèrent d'habit et se peignirent en indien, genre de toilette fort usité dans la prairie et auquel ils étaient tous habitués. Pour Hubé, la chose ne fut pas difficile. Sa couleur naturelle suffisait presque pour ce déguisement. Il ne se donna pas la peine d'ôter sa blouse et son pantalon. Il aura fallu les couper. Et il ne se souciait pas de sacrifier ainsi son vêtement favori. Il passa les autres habits par-dessus, et peu d'instants après se montra revêtu de calzoneros tailladés, ornés de boutons brillants depuis la hanche jusqu'à la cheville, d'une jaquette juste au corps qui lui était échue en partage. Un élégant sombrero posé coquettement sur sa tête acheva de le transformer en un dandy des plus grotesques. Tous ses camarades accueillirent cette métamorphose par de brillants éclats de rire, et Rubé lui-même éprouvait un singulier plaisir à se sentir aussi gracieusement harnaché. Avant que le soleil eût disparu, tout était prêt, et l'avant-garde se mettait en route. Le corps d'armée, sous la conduite de Saint-Vrain, devait suivre à une heure de distance. Quelques hommes seulement, des Mexicains, restaient à la source pour garder les prisonniers navarros.